Au moins de la jambe à baoule, au moins moi manger non pas manger. Quand à vous j'adore ma pèse clé, ma béo c'est la gamme. Au moins de la jambe à baoule, au moins moi manger non pas manger. Quand à vous j'adore ma pèse clé, ma pousse la dame. Casson calme, c'est placé, pas trop aimer manger. Moi je prends mal équilibré, c'est ça y a pas marché chercher. La son capé dépensé, pour y'a joigné au débouché, pour y'a au marché loingé. Où y'a le bon mené palé, où y'a au marché loingé, où y'a le bon mené palé. Au mané m'la jamma paoul, au ban moué manger non pas manger. Quand à bouge à ton nom ma pisse clé, ma péo c'est la dame. Au mané m'la jamma paoul, au ban moué manger non pas manger. Quand à bouge à ton nom ma pisse clé, ma pousse la dame. Quand à bouge à ton nom ma pisse clé, ma péo c'est la dame. Au mané m'la jamma paoul, au ban moué manger non pas manger. Quand à bouge à ton nom ma pisse clé, ma pousse la dame. Deux trois jours y'a le caille gangan, y'a le ramasse bruit cancan. Pour y'a mette non manger, y'a dit c'est pour y'a chavé. 4-5 jours sans pas faire mal, comme y'a mène dans l'hôpital. Y'a dit quand on désespéré, wapé mon vivant en flé. Y'a dit quand on désespéré, wapé mon vivant en flé. Au mané m'la jamma paoul, au ban moué manger non pas manger. Quand à bouge à ton nom ma pisse clé, ma péo c'est la dame. Au mané m'la jamma paoul, au ban moué manger non pas manger. Quand à bouge à ton nom ma pisse clé, ma péo c'est la dame. Quand à bouge à ton nom ma pisse clé, ma pousse la dame.